Chrono, chrono, chrono, trigger. Yeah, yeah. DJ Lazy, Muc 1 06, on donne pas notre huc. Ok, 9, 2. Yeah. Shoot again. Ta gueule. Yeah. Tous niquent dans le stick de spot, niquent tous, stick tous. Bitch, t'es le vénère, frappe à cause, c'est cause. Mec, t'aimes pas courber, t'en peux causer, cousine. J'remirai pas le mousse et le osé. J'ai mis ma pitié dans une consigne. Tu veux mon rap et pas le peu consigne. Concile, l'arrêté, une close, va passer contre si tu concibles. Amène ta haine constrict sur un ton trop strict. Tous niquent, t'as monté ton string, tu portes en dessous ton baggy. T'as tombé ton slip, pose, mec, pop, type. Ta meuf t'a plaqué sur ton poste, tu plosif. T'as versé des larmes au poste, c'est pour son possible. T'as vu tout pip, t'as la bronchite. Tu veux pas de bon shit, tu te la joues bon shit. Bon genre, cherche pas, branche vite. Branche mec, j'suis trop technique. Fuck la school et c'est quand t'incite. La rage incite, au split, au strict. Entouré de secondes flics, au style. Craclé comme des hosties. Toi aussi frère j'suis sadique. Sorti d'une sale clique, tu dis que j'ai un sale style. Hey yo, hey yo, j'rappe pour les frères et sœurs, pas pour lâcher des bluffs. Ça, c'est juste du line-us, l'art de faire bouger les œufs. L'art de toucher les cœurs, de couper les pleurs. Foutre un sacré bordel, trop tard pour appeler les keufs. J'ai placé ma bombe, moi j'm'obstine à mener l'affront, genre Black Dragon face au ski. Faut que tu captes, c'est la passion qui parle, garçon. Vouloir nous faire lâcher ça, non c'est pas possible. Alors, es-tu prêt à réceptionner l'ogive? Donne-moi de la bonne vie, que j'suis en totale harmonie. Pendant que leur face s'appauvrissent, les miennes s'enrichissent quand je les kick. Même tes fesses finissent par applaudir. C'est pas la pâle copie d'une mauvaise pâle copie. La parodie d'une parodie catastrophique. Non, c'est juste une dédicace au b-boy, au b-girl, au passionné accro de hip-hop. Thank you.